Oui. Allô Laetitia. Salut Franck. Ça va bien? Oui, et toi? Ouais, je me suis gouré de numéro. J'ai appelé une autre auditrice. Ah, il y a D'accord, super. tellement de numéros enregistrés. Comment tu vas bien, Laetitia? Bah bien, et toi? Ouais, je voulais te présenter aux auditeurs qui nous regardent là. D'accord. Donc, Titia, hein, Laetitia, donc Titia. Exactement, Ticia. Voilà, Laetitia Gasquet. Voilà, je Alors m'appelle. non, plus Ticia. Voilà, plus Titia. Mais le nom de scène, c'est quoi le nom de scène alors? Ticia. Titia, d'accord, ok. Alors, toi, tu étais bien à la radio il y a déjà quelques années, 2-3 ans peut-être, hein. Ça passe, hein. Ah Oh. oui, hein, facilement, ouais, ça passe Ah vite. ouais, facile, hein. Tu étais venu nous parler de ce que tu avais fait pendant ta carrière. Tu as commencé comment ta carrière, toi? Ah bah il y a une dizaine d'années maintenant. Oh là, tu vas nous vieillir aujourd'hui. C'est ça. Une dizaine d'années, bah, j'ai commencé par des reprises au départ, Ouais. ce qui m'a permis de faire quelques castings en région parisienne et sur Paris, puisque je suis de la région parisienne. Ouais. Et puis bah, au fur et à mesure, bah, j'ai pu en faire également en province. Et puis au gré des rencontres, j'ai fait un premier album en 2011. 2011, ouais. Donc c'était un monde différent. Et là, c'était sous le nom de Laetitia Gasquet. Ouais. Et puis ensuite, j'ai pris une autre scène qui est devenue Titia, donc depuis 2012-2013. Ouais. Et j'ai fait plusieurs singles, Sauver l'amour en hommage à Daniel Un Balavoine. bel hommage, ouais, d'ailleurs, ouais. Mais je précise, c'est un titre unique, hein. Texte et musique, c'est pas la reprise de Daniel. D'accord, ok. Voilà, et puis un autre single, Je ne sais faire que. Ouais. Et bah, un dernier EP il y a 2 ans, Les enfants du désert. Ouais, c'était bien ça, moi j'aimais bien. Exactement, pour Tiens, lequel j'étais venue. si tu veux, on écoute un petit extrait des Enfants du désert, écoutez. C'était ça, les Enfants du désert, écoutez. Tes mots me frôlent, en ressentir tout souffle, de ne plus être humeur morose, je suis prête Bon ça. à tirer la Ah ouais, sonnette. souvenir. Alors je sens ta présence autour de moi se Ça, c'était les Enfants du désert, c'était ralentit les débuts petit de Titia. C'était plutôt, on va dire, le milieu, on va dire. Le milieu, d'accord. Et entre-temps, donc, t'as travaillé, t'as fait quoi, entre-temps? Ben, il y a là, pendant 2-3 ans, du coup, après les enfants du désert, j'ai fait une pause musicale. Ouais. J'en avais vraiment besoin, parce que ça faisait 8-10 ans que je faisais de la musique. D'accord. Et puis voilà, j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Du recul par rapport Et à j'ai quoi? repris mes études bah, parce que j'avais besoin de m'enlever un peu de ce monde artistique qui m'a un peu déçu à certains moments. Ouais, est-ce que tu trouves pas que bah justement il y en a peut-être trop en ce moment ou avant ou c'est compliqué la musique aujourd'hui, Ticia? Bah, je pense que ça a toujours été compliqué. Il y a plus d'offres que de demandes. D'ailleurs, je le dis dans mon titre, Je ne sais faire que. Ouais. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui profitent de cette demande. Ouais. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont pas forcément apporté du bien à une époque. Ouais. J'ai été fortement déçue, déstabilisée, je dirais. Et là, ça t'a dit, bah, Et je vais arrêter, je fais un break ou une pause. c'est ça. Pendant 2 ans, j'ai même décidé du coup de reprendre mes études. Ouais, tu fais des études de quoi, Ticia? Bah, dans le social, pour travailler dans la protection de l'enfance. D'accord. Et il y a peut-être plus de jobs alors. Bah, déjà, il y a beaucoup de jobs, malheureusement, j'ai envie de dire, ça en Ouais. manque pas. Ouais. Mais durant ces 2 années, j'ai pu voir des situations très compliquées, Ouais. maltraitance infantile, abus, précarité. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a permis aussi d'évoluer, même, j'ai envie de dire, personnellement. Ça m'a beaucoup changé et donc là, j'ai envie de revenir à la musique, mais pour pouvoir aussi écrire tout ce dont j'ai pu être témoin. Ouais. Et ces gens qui font preuve justement de résilience, qui est cette capacité justement à trouver des ressources en soi pour pouvoir se relever et avancer. Et les ressources en toi, en toi aussi, tu les as Oui, trouvées avec exactement. un EP qui arrive, hein? Tout à fait en Voilà. préparation. On va donner ta page, ton compte Facebook, c'est Laetitia Gasquet, c'est ça? Le compte Facebook? Exactement. Voilà, Laetitia Gasquet. Et bah un EP avec alors tu m'as envoyé des sons, c'est une voix témoin. On peut expliquer aux auditeurs ce que c'est une voix témoin? Alors, une voix témoin, c'est celle de mon compositeur avec qui je travaille, Ouais. David, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon premier album, Un monde différent. Donc, j'ai envie de dire, je suis retournée à mes premiers amours. Ah. Donc c'est vraiment une orientation pop rock. Ouais. Avec des textes de Véronique. Et j'ai vraiment envie de parler, voilà. Donc une voix témoin, c'est en attendant de pouvoir enregistrer prochainement, puisque là avec la situation sanitaire tout est bloqué. Ouais. Et de pouvoir vous faire découvrir en tout cas des titres aujourd'hui. Eh ben on écoute un petit extrait, La Bataille Intérieure, si tu veux bien, Ticia, d'accord? Avec plaisir, merci. Avec la voix témoin, c'est pas Ticia, attention, mais c'est ça, ça va être elle, bientôt, écoutez. Il en faut du tempérament pour ne pas se sentir meurtri. Des blessures et des tourments qui nous ont endoloris. On se protège avec des nids, on se défend en souriant. Et c'est ce masque de la vie que l'on porte indéfiniment. Alors ça s'appelle La Bataille Intérieure, Ticia. Tout à fait, ça parle de la résilience justement. Alors ouais, bah justement, pourquoi La Bataille Intérieure? Bah parce que justement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est toutes les ressources qu'on a en soi. Mmh. Qu'on peut trouver dans des moments où on a pu vivre des traumatismes, des échecs. Mmh. Et on se tire de ça, j'ai envie de dire, pour pouvoir se relever et avancer encore plus fort. Et toi, c'est ce que tu as envie aujourd'hui? Exactement. Ouais, t'as pris un coup, on va dire, comme un boxeur. Un boxeur, il exactement. Prend un coup, il a un genou à terre, mais d'un coup, il arrive à se relever et repartir. Donc ça, c'est ta force à toi aujourd'hui, hein? C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. La complainte du clochard et son chien, c'est quoi l'histoire? On va écouter un petit extrait, mais juste avant, l'histoire, c'est quoi la complainte du clochard et son chien? Alors, la complainte du clochard, c'est pour parler de la précarité. Ouais. Très vite, ça peut nous toucher tout à chacun. Hein. Un chômage, un divorce, et on peut se retrouver très vite à la rue. Aïe, ouais, ça peut faire mal. Voilà, et souvent, bah, c'est dans les animaux qu'on trouve une fidélité. Ah bah, qu'on n'a pas forcément chez les hommes. Il y a Antoine qui est content parce qu'Antoine, il adore les chiens, donc voilà, il est heureux. Là, tu fais. Et donc, le titre, voilà, c'est l'histoire d'un homme à la rue avec son chien qui, malheureusement, aura une fin tragique, mais voilà, ça arrive tous les jours, malheureusement. Ouais. Et la précarité peut toucher chacun d'entre nous, ça peut aller très vite. Ouais. Donc, faut vachement être vigilant et voilà, être là pour les autres, en tout cas pour son prochain. Voilà, un petit extrait, la complainte du clochard et son chien, si tu veux, Ticia. Tu veux bien? Merci. Oui, bien sûr. Ok, et ben c'est parti. Écoutez. De concert, ils ont affronté la violence et les coups de pied, la faim, les pleurs et le dédain, sous l'indolence des mondains. Tous deux avaient le sourire, les gens qui ont tant à dire, comme les meurtriers, les gueux qui se taisent trop miséreux. C'est la complainte du clochard et son bâtard, chanté par les gens de la rue, les frères et sœurs qu'ils ont connus. Voilà, c'était un petit extrait, Ticia, la complainte. Super. Clochard et son chien, le nouvel EP qui arrive. Alors, le lien pour t'aider, parce qu'il y a besoin de t'aider aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui t'aident. Exactement. Donc le lien, on peut le retrouver sur ta page Facebook Laetitia Gasquet, hein, que j'ai mis en lien. Voilà, tout à fait. Il y a également une page exprès pour ce projet qui s'appelle Ticia, le EP Résilience. Ouais. Donc je voudrais juste en profiter pour me remercier vraiment la vingtaine de personnes, ouais, qui ont déjà participé à cette EP. Ouais. En seulement quelques semaines, voilà, je suis très touchée. Et je voudrais sincèrement les remercier de pouvoir m'aider en tout cas à réaliser ce projet. Ça fait quoi aujourd'hui quand tu vois qu'il y a des gens qui t'apprécient, qui t'aident et qui t'aiment aussi? Quand tu vois que les gens donnent et sont là pour t'aider, ça fait un baume au cœur, ça donne envie de continuer le combat, parce que c'est un combat aujourd'hui, hein. Bah c'est un peu ça, bah c'est surtout que bon, bah j'avais un petit peu peur au bout de 2-3 ans d'être un peu oubliée. Ouais. Quand je vois aujourd'hui effectivement que certaines personnes croient encore en moi, me soutiennent, partagent mes liens, bah ça me fait chaud au cœur. Et puis également les partenaires, les médias, les radios, comme toi. Ouais. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier avec l'équipe parce que ça me touche beaucoup cette fidélité et le fait qu'on m'ait pas forcément totalement oublié. Ouais, c'est vrai que bah nous on essaye d'être ouvert à tout le monde. Alors c'est vrai que bah nous aussi on est un peu confinés, on essaye de faire comme on peut de notre côté. Exactement. Alors ce qui est bien, c'est que l'émission est aussi enregistrée, on peut la rediffuser, tu vois. Donc ça va être en fait cette interview va être rediffusée sur la radio pendant un petit moment. Je vais la faire rediffuser pendant un petit moment cette interview, ça va être sympa. Bah c'est gentil, merci en tout cas, et juste voilà préciser que le lien du projet participatif se trouve sur toutes mes pages. Tu l'as également partagé sur la tienne hier. C'est ça. Et je vais le repartager à la fin de l'émission. Je remettrai le lien avec le pour donner, pour t'aider. Voilà, si on peut t'aider, c'est un petit. Bah c'est gentil, merci. C'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau plus qu'une goutte d'eau font des rivières. Hein, c'est ce que je dis souvent. C'est le geste qui compte, c'est pas la somme, et ouais. ça me permet d'avancer en tout cas. Voilà, Laetitia. Un dernier mot peut-être à rajouter, Laetitia. Bah, juste un dernier mot. Bah, j'espère que dans cette période un petit peu spéciale pour tous, tout le monde va très bien. Ouais. Que l'important, effectivement, c'est de rester chez soi et de prendre soin de ses proches, de sauver des vies. Ouais. Et effectivement, dès que tout ça sera derrière nous, je pourrai partir en studio pour enregistrer les titres. Et ben, avec plaisir de te revoir en studio. Alors, en studio deux fois pour enregistrer déjà. Et puis en studio physique à la radio quand on pourra accéder au studio nous-mêmes, que tu viennes un après-midi dans mon nouvelle émission qui s'appelle Francky Show l'après-midi, voilà. Eh ben, grand plaisir, merci en tout cas Franck. Ça me fait vraiment plaisir Laetitia, je vais mettre le lien à la fin de l'émission là pour retrouver l'EP disponible après, hein, bien sûr, et puis pour aider aussi Laetitia. Et puis ben, on attend cette belle voix qui va remplacer la voix témoin. Bah j'espère bien vous faire découvrir tout ça très vite. Ouais. Laetitia Gasquet, je te remercie. Bah merci à vous en tout cas et à toute l'équipe. Ce que je fais, je te rappelle vers midi après l'émission, comme ça on en reparle un petit peu, hein. Pas de souci, avec plaisir, à tout à l'heure. Voilà, merci Laetitia Gasquet. Merci, à bientôt. Laetitia en interview pour la radio Arc-en-Ciel, on vous souhaite une excellente matinée. Et puis on repart avec du son Like It. Merci à Laetitia Gasquet, je vous mets les liens juste derrière, vous allez pouvoir la retrouver. Et moi je vais la rappeler à midi, on se rend direct avec elle. Merci, bonne journée.